Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la partie, c'est Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 412 sur RIG qui commence, elle durera jusqu'à 22h et nous sommes le mercredi 24 avril 2019, ça c'est pour vous prouver qu'on est en direct, il est 20h passé de 1 minute à l'instant. J'espère que tout se passe bien pour vous, ici du côté de Blanquefort, donc de Bordeaux si vous le voulez aussi. L'orage se prépare et ceux qui me connaissent bien savent que je déteste l'orage, donc je suis un petit peu énervé parce que j'aime pas entendre les bruits de tonnerre, mais j'espère qu'avec la musique des Beatles, avec la musique de George Harrison, puisque c'est lui l'album de la semaine, c'est l'album Cloud Nine sorti en 1987, j'espère qu'avec ça je vais passer deux bonnes heures et que vous allez également passer deux bonnes heures sur RIG 90.7 qui est la radio des Beatles le mercredi entre 20h et 22h. Bref, je vous propose de retrouver sur l'album Cloud Nine la chanson éponyme Cloud Nine, également That's What It Takes, Fish on the Sand, This Is Love, Someplace Else, et on se terminera évidemment par l'irremplaçable Got My Man Set on You, qui n'est pas une chanson de George Harrison, qui est une reprise. Mais lorsqu'il faisait des reprises, il faisait de très bonnes choses, il les reprenait d'une manière à lui et de très bonne manière. Voilà, il y aura également du Ringo Starr, du Lennon, du McCartney et des Beatles. Pour Ringo Starr par exemple, Back Off Boogaloo, je vous dirai pourquoi. Il y aura How Do You Sleep, ouais, on va être un petit peu méchant, donc vous avez deviné. Et il y aura How Do You Sleep de John Lennon. Et pour McCartney, Too Many People, la réponse globale à tout le monde. Et on pourra terminer avec une chanson, pour la cinquième chanson des Beatles, It's All Too Much, tout ça c'est trop, qui est de bon aloi, même si cette chanson est sortie avant les titres que je vous ai cités il y a quelques secondes. Prenez des notes, hein, j'ai pas envie de répéter, prenez des notes. Bon, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, il y a de plus en plus de monde, donc tant mieux, c'est bien que cette saga fonctionne, j'aime bien quand vous êtes là le mercredi de 20h à 22h, et pour le reste, eh bien, vous verrez bien. On rendra hommage aussi à Dick Rivers, oui, qui a disparu aujourd'hui, ce sera la cover en 17e position. Voilà, la chanson, le générique se termine, donc place à l'album Cloud Nine et la chanson qui s'appelle Cloud Nine. Cloud Nine, c'est l'équivalent de 7e ciel pour nous. Bonne soirée. Have my love, it fits you like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. My smile and my heart, they even rose from the start. Pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that you hurt's pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Cloud Nine est le 9e album enregistré par George Harrison en solo, paru fin 1987. C'est le dernier album publié de son vivant. Enregistré au début de cette année, après une pause de 5 ans, il est issu de séances dans le studio personnel du musicien à Friar Park, avec plusieurs amis et musiciens de talent dont Ringo Starr et Eric Clapton. L'album scelle également les débuts de l'amitié de George Harrison avec Jeff Lynne, l'ex-leader de Electric Light Orchestra, qui coproduit le disque. À sa sortie, le disque est accueilli comme un retour en grâce par la critique qui voit là ce que George a fait de mieux depuis All Things Must Pass. C'est un peu exagéré, mais quand même, en 1970. Artistiquement, le disque renoue avec un style plus proche du rock et se livre moins aux considérations personnelles que les précédents albums du guitariste. La presse y relève notamment des qualités proches de ce que produisaient les Beatles, mais aussi des sonorités caractéristiques de l'Electric Light Orchestra ou officier Jeff Lynne. C'est évident. Dans toutes les productions de Jeff Lynne, ou presque, on reconnaît une touche propre à Electric Light Orchestra. Le public adhère au disque, qui se classe en 10e place des ventes britanniques et en 8e place dans les classements américains. Meilleur score de George Harrison depuis longtemps. Le premier extrait de l'album, Got My Mind Set On You, devient le premier numéro 1 de George Harrison depuis 1973 aux États-Unis. Les deux singles suivent, When We Was Fab et This Is Love, avec des succès légèrement moindres dans les palmarès, mais supérieurs à beaucoup de précédents titres du guitariste. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cet album, qui est réédité en 2004 avec deux chansons bonus tirées de la bande originale du film Shanghai Surprise. Voici maintenant Ringo Starr et Back Off Boogaloo, je vous en parle juste après. I'm gonna do, I gotta fly, high, right from the start. Chanson qui date de 1972, sortie en single, avec pour face B un titre relativement mauvais qui s'appelle Blind Man. Ce single donc a été coproduit par George Harrison, qui joue également de la guitare. Et ce qu'on peut dire sur cette chanson, c'est que si vous écoutez bien les paroles, il parle pas très méchamment d'un gars qui tout ce qu'il fait, ben ça mènera à rien. Et puis ils ont dit que t'étais mort, etc., etc. Bref. C'est pas du grand méchant. Le grand méchant, c'était un an avant, en 1971. Oh, bah oui, parce que Paul McCartney a dit qu'il quittait le groupe. À partir de là, tout le monde a été obligé de partir, alors que tout le monde voulait partir, finalement. Il y a que McCartney qui voulait rester dans le groupe. Et ils lui en ont voulu, à Paul McCartney. Et finalement, ils se sont rendus compte plus tard qu'il avait eu raison, Paul McCartney. Mais en 1971, donc, George Harrison est avec John Lennon sur l'album Imagine pour cette chanson méchante, très méchante pour McCartney, qui s'appelle How Do You Sleep, et donc il va récidiver un an après avec Back of Boogaloo. Voici la chanson How Do You Sleep. musicalement, c'est bien. Mais les paroles, faut pas exagérer. La seule chose que tu aies faite, c'est Yesterday. Et un de ces quatre, ils verront que tu es qu'un jour de plus, parce qu'il a sorti la chanson Another Day. Il dit, une jolie gueule ne peut durer qu'un an ou deux, mais ils verront bientôt ce que t'es capable de faire. Eh bien oui John, il a pas duré un an ou deux, il est encore là. Paul McCartney, je parle pas évidemment du meurtre de John Lennon, parce que ça c'est moche, mais McCartney était loin d'être aussi mauvais que tu l'as prétendu dans cette chanson. D'ailleurs, en 1980, John Lennon dit, ouais mais non, c'était pas au sujet de Paul McCartney, c'était un peu au sujet de moi et tout ça. Et et John. Non, là, c'est pas assumé du tout. Là, sur cette chanson-là, tu t'es laissé embobiner, tu as mis beaucoup de haine que tu ne ressentais peut-être pas tant que ça, d'accord, mais c'était bien Paul qui était visé. D'ailleurs, Paul va répondre à ça avec la chanson « Too Many People ». La chanson « Too Many People » dit à un moment donné, j'essaie de voir les paroles en même temps, trop de gens se font le prêche de parce que c'est écrit en anglais, prêche sur ce que vous devez faire. Et moi je dis, non, vous devez pas faire ça, parce que j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Voilà ce qu'il dit. Alors il vise personne en particulier, sauf que là c'est peut-être un petit peu John, puisqu'il avait le sentiment que John et Yoko disaient « et le monde, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça ». Eh oui, on a le droit d'être libre penseur. Voici la chanson de Paul McCartney, « Too Many People » sur l'album « Ram » en 1971. Sleeping. On a entendu Cloud Nine qui fait partie de l'album de la semaine, Back of Boogaloo de Ringo Starr, How Do You Sleep de John Lennon, Too Many People de Paul McCartney. L'important dans tout ça, dans toutes ces guéguerres qu'il y a pu avoir au début des années 70, c'est que à la fin, ils étaient tous redevenus copains, y compris Lennon et McCartney, et heureusement, et que ces gars-là avaient vécu tellement de choses ensemble que ça ne pouvait pas finir autrement. Et puisqu'on parle des Beatles, les quatre faisant les Beatles, nous allons parler de Lovely Rita. Je vous donne ce conseil. Lovely Rita, qui est-ce? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. En 1969, le dessin animé Yellow Submarine et cette chanson It's All Too Much sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. chanson sympa, mais franchement pas ma préférée de George Harrison avec les Beatles. On revient, si vous le voulez bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Cloud Nine. Et voici ce nouveau titre, That's What It Takes. George Harrison en 1987, sur RIG. Ça fait Electric Light Orchestra. But it's so hard loving you. that you and I should fight every night. Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love, and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love, and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Let's go back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ooh. Ooh, I need your love, babe. I guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like deux Beatles l'un à la suite de l'autre. It's Only Love sur l'album Help en 1965, une bonne année 1965 qui a succédé à l'année des légendes, l'année 1964. Et à l'instant, Eight Days a Week, mais pas dans la version que vous connaissez certainement, dans la version anthologie, parce que très vite, George Martin a dit à tous ceux qui travaillaient avec les Beatles, on ne jette rien, on garde tout ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent. Et résultat, ben, ça a donné les anthologies en 95 et 96, à savoir des versions différentes, une version qu'on peut appeler de travail, une recherche sur une chanson, est-ce qu'on peut rajouter des ouh, comme là vous l'avez entendu, qui n'existe pas sur la version finale, est-ce qu'on peut mettre un rythme différent, est-ce qu'on peut rajouter ceci, rajouter cela. C'est bien, c'est intéressant quand on connaît les Beatles et qu'on a envie de voir comment ils en sont arrivés à la version finale. J'aime les anthologies pour ça.

Tell Me Why fut composé afin de fournir un morceau rapide à la scène de concert du film Hard Day's Night. John se demanda ce que les Chiffons ou les Shirelles pourraient bien jouer et il pondit cette chanson. Les paroles portent la marque de John. Elle lui a menti et l'a abandonné. Il pleure. Il lui demande de lui expliquer ce qu'il a fait de mal pour pouvoir se corriger. Les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui les ont perdus très jeunes en retirent souvent un sentiment de culpabilité qui leur fait croire qu'ils en sont en partie responsables. « Si c'est quelque chose que j'ai dit ou fait, dis-le-moi, je m'excuserai », chante John dans « Tell Me Why ». Il fallut attendre la thérapie primale qu'il suivit en 1970 pour que John surmonte enfin ses peurs inconscientes. Le psychothérapeute Arthur Janoff lui fit analyser toutes les chansons de l'époque Beatles pour qu'il comprenne ce qu'elles révélaient sur ses angoisses. Sur le premier album publié après sa thérapie, John Lennon Plastic Ono Band, les thèmes de ces chansons révèlent les mêmes traumatismes, mais ils y sont, cette fois, explicités en toute conscience, comme dans Mother, Hold On, Isolation ou My Mom Is Dead. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et je vous propose de revenir à l'album de la semaine. Voici Fish on the Sand, extrait de l'album Cloud Nine de 1987 de George Harrison sur RIG. Proposer 7 minutes et demie de bonheur. Voici les Beatles ensemble en 1967 sur l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Voici la fin de l'album. lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Qu'une radio vous propose A Day in a Life dans sa version entière jusqu'au bout avec ses deux pianos à la fin. Cette chanson si difficile à mettre en rythme, c'est Phil Collins qui disait que y a un sacré boulot pour le batteur, donc Ringo Starr a vraiment vraiment vraiment sa place. Et c'est aussi un collage de deux chansons, la première de John Lennon, la deuxième de Paul McCartney quand il commence à dire ah zut, j'ai perdu Non, je me rappelle plus. C'est pas grave. Mais bon, au moment où je chante McCartney, c'est la chanson de McCartney qui est venue. Et entre-temps, il y a un montage complètement délirant, complètement génial. Ils ont eu 40 musiciens. Ils leur ont dit, vous vous partez de la première note, vous faites un arpège jusqu'en haut, en ne vous souciant pas des autres, vous montez vos notes tranquillement, vous les montez jusqu'en haut, vous faites le plus de bruit possible. Et les gens ont dû se dire, mais c'est complètement dingue, ça sert à rien. Mais ça donne ça, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment très très joli. Et à mon avis, je le dis souvent dans la saga des Fab Four, George Martin devait se dire, oh là là, mais comment est-ce que je vais pouvoir obtenir ce qu'il me le demande? Parce qu'ils avaient plein d'idées. Peut-être un petit peu à cause d'une certaine fumette, mais bon, c'est pas grave, ils avaient du génie, voilà. On retrouve Ringo Starr avec les Traveling Wildberries. Wildberries, oui, c'est rare, et c'est pour la chanson I Call Your Name, rechantée par les Traveling. Semaine dernière, je me souviens que Pascal Dupont, un fan de la saga des Fab Four, m'avait dit « La chanson que tu proposes ce soir, c'est ma préférée de l'album News. » Et bien moi, je vous propose cette semaine l'album New de Paul McCartney. Moi, je vous propose une partie de mes chansons préférées, enfin une que j'aime énormément de cet album-là, New, sorti en 2013, c'est « I Can Bet », Paul McCartney sur RIG. Listen to me. Straight in the eye and pull you to me. What I'm gonna do next, I leave entirely to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and pull you near me. What I'm gonna do next, I leave entirely to your imagination. We'll sais que c'est très subjectif, mais ce gars-là a commencé à avoir du succès en 1962 et en 2013, il continuait à être prolifique, à faire de la bonne musique et au lieu d'être un has-been, il est une légende vivante. Merci Paul McCartney, continue. L'album de la semaine, l'album c'est Cloud Nine, le titre du morceau de George Harrison c'est This Is Love sur RIG. Arrivons à la cover. Vous savez, la cover, c'est une chanson reprise, déjà chantée à l'origine ou pas d'ailleurs par John, Paul, Ringo, George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Même si eux, les Beatles, faisaient déjà une reprise de, je sais pas, Little Richard, Chuck Berry, qui vous voulez. Et si un artiste ou vous, peut-être, même si vous êtes un artiste aussi, reprenez cette chanson, vous pouvez passer dans la saga, dans la cover. Aujourd'hui, journée spéciale, Dick Rivers a choisi de faire son intéressant en mourant le jour de son anniversaire. C'est déjà arrivé, c'est pas le premier à le faire, mais c'est original. Il aurait eu 74 ans, il a eu 74 ans, je pense, aujourd'hui. Et on va lui rendre hommage parce que il a repris des chansons des Beatles, il a repris Things We Said Today, avec ce titre qui s'appelle Ces mots qu'on oublie un jour. Et là où c'est fort, c'est que c'est présenté par Paul et John. qui disent globalement, Paul dit à John, tu connais cette chanson, ces mots qu'on oublie un jour? Non, je connais pas. Pourtant, c'est toi et moi qui l'avons composé et c'est chanté par Dick Rivers. Voilà, écoutez, vous allez entendre d'abord la voix de Paul et de John sur RIG. John! Did we write a song called Ses Mos Quan Oubli Un Jour? No, Paul. It says here we did. Well, who sings it, Paul? Dick Rivers. Ah, oh, you mean Dick Rivers. Saga des Fab Four rendait hommage à Dick Rivers à l'instant et il était un petit peu ensuqué dans sa tenue puisque il connaît les déplacements de la caméra, mais bon, il sourit pas, c'est un petit peu voilà, il a fait des progrès après, il s'est détendu un petit peu après, on va dire. Mais bon, je suis content d'avoir rendu hommage. Les trois grands des années 60, c'est quand même Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Dick Rivers, pas pour les rockers, je parle. Voilà, donc c'est fait. Et nous reprenons le cours de la saga avec la suite Your Mother Should Know sur RG dans la saga des Fab Four. C'est la saga. Should know. a pas échappé, c'est une version différente de celle que vous connaissez. Elle est sortie en 1988 sur la bande originale du film The In-Law avec Michael Douglas dans le rôle du beau-frère ou du beau-père, je sais plus, j'ai vu le film il y a longtemps, mais c'était bien. Petit joyau sorti des anthologies des Beatles. Retour à l'album de la semaine, l'album Cloud Nine et ce titre, Someplace Else, George Harrison sur RIG. Vas-y, pleure la guitare, pleure. You got into my life, I don't know. It stopped me heading someplace else. Took me a while to say, wish you belong to me. But now I'm sad like I'd never be, regretting that we leave. And for a while you could comfort me. I need you now. them all in someplace else. I wish I could be them all in someplace else. Someplace else. I think I'm gonna leave them all in someplace avec Paul McCartney de Ringo Starr a déjà 9 ans, cet extrait de l'album Why Not, sorti en 2010. Revoici Paul McCartney dans son dernier album, d'ailleurs dernier album qui va ressortir dans une version Explorer, que je vais me fournir pour vous, parce qu'il y a des inédits dessus, et bon, la version CD n'est pas trop chère, elle est à 24€. Donc je vais le faire pour vous les amis, c'est ça la saga des Fab Four. Donc voici Happy With You, l'une de mes chansons préférées de l'album. Sat around all day. I used to get stoned. I like to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Oh yeah. Around angry, I used to feel bad, but nowadays my day don't have to be sad, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Clear robin sing, walk a bluebell carpet, watch the children playing games, catch a moon and drop it, hear the gentle mantra roll on a frosty morning, see the mighty ocean break like a sailor's warning. Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Is this really the borderline? c'est beau. Paul McCartney, Dear Friend, sur l'album Wild Life. On retrouve une dernière fois l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Cloud Nine par George Harrison en 1987. Et il fait une reprise, Got My Mind Set On You. Une reprise de très bonne façon. Et ça a été numéro un dans certains pays et très apprécié par les Français. Voici George Harrison sur Cloud Nine et sur RIG. On monte le son, c'est la saga des Fab Four jusqu'à 22h. Take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set. Qui se prépare, ils sont tous les deux présents dans le studio, ça va être fantastique. Je vais rester écouter au moins, ce sera Johnny de A à Z dans très très peu de temps, animé par Eric, l'extraordinaire Eric. Celtic de 1975 sur l'album Rock'n'Roll. Voici en 1968 Back in the USSR, une chanson que je dédie à tous ceux qui travaillent dans les aéroports. Comprenez pourquoi. Fellas. Stars. Ooh, explain. I never meant to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. Dans la version du Double Fantasy Strip Down sorti en 2010. On termine cette saga juste avant de retrouver Johnny de A à Z avec Eric avec Choose Love. Ringo Starr sur RG. Choose love. Love. Exceptionnel supporte un effort exceptionnel. Nous finirons à l'heure. Merci à vous tous et toutes. Ah, je ne suis pas là la semaine prochaine pour des raisons personnelles. Le 1er mai, je n'y aurai pas de saga des Fab Four. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines. À très bientôt. Dans quelques instants, Eric et Johnny de A à Z. Salut.